Maestro Scred, envoyez les trompettes. Enfant retard, j'suis comme Corky, j'ai le cerveau qui baigne dans la colle. Ça fait des mois que j'suis pas sorti, j'médite dans des vapeurs d'alcool. Toujours une main dans son shorty, parce que j'aime bien quand mes doigts collent. J'vis en apnée comme un snorky, c'est l'aquarium dans la bagnole. J'mets pas de capote quand j'fourre ta sœur, car elle est contre l'IVG. J'aime faire des blagues un peu comme le schtroumpf farceur. J'délivre des colis piégés, j'délivre des colis piégés, j'délivre des colis piégés. C'est le retour des casseurs flotteurs, big up au début léger. Musique et jeux vidéo, j'suis un ado, comme Scott Pilgrim. Faut aller jouer dehors tant qu'il fait beau. J'm'en bats les couilles, j'mate des streaming. J'crois qu'il manque des casques comme dans Billie Jean. Ma meuf est bonne, j'ai peur de finir queen. Bah ouais, c'est le kiff, mais j'ai aussi de l'amour pour les mille. Grand-mère sait faire une bonne cyprine. Oui, j'suis débile, débile, débile. La folie atteint son climax, comme dans Bénil, Bénil, Bénil. Un split de weed, un bol de smacks. J'suis rat, débile, débile, débile. Radzo avec une paire d'Air Max. Et j'te vole, débile, débile, débile. Gringil a signé des contracts. J'finis la soirée sous tease. Et j'articule comme Simple Jack. On est les dignes héritiers des Goonies. Pas des enfants de Temple Back. J'regarde mes films préférés sur UG's. Clique sur Amier, y'a les meilleurs goodies. J'envoie les punch et j'regarde pas où j'vise. En featuring, oublie leur track. Mulet à la Bernard Minet. Collier avec une dent de requin. Le guacamole est tartiné. J'suis content, j'ai le ventre plein. J'ai aucun sens de gravité. Ma meuf gueule parce que j'prends le rien. Si le langage t'est familier, tu peux faire les bacs dans le refrain. Pas n'importe quel tour. Pas n'importe quel tour. Pas n'importe quel tour. Survêtre monté jusqu'au nombril, apprécie la poutre. Les casseurs flotteurs sont de retour dans ta ville, dédicace à nous-mêmes. J'ai proposé un plan à trois pour ma chérie, depuis j'ai pas de nouvelles. Elle veut pas comprendre que j'ai fait ça pour elle, va falloir annuler la roumaine. Ah, casseur flotteur, rappeur au cœur, ardeur, lover, quoi de neuf docteur. Comment ça va, moi pas si mal, tant que j'écoute pas les voix qui me parlent. J'ai plus d'érection matinale, j'vais peut-être me faire un tatouage tribal. Ah, j'plaisante pas, vraiment, ah, mais non, ça dépend si tu crois. J'plaisante pas, vraiment, ah, mais non, ça dépend si tu crois. J'plaisante pas. Vraiment, ah, mais non, ça dépend si tu crois. Je plaisante pas. Vraiment, ah, mais non, ça dépend si tu crois. Je plaisante pas. Voilà la vengeance aux deux visages. Le pire qui puisse arriver dans ton voisinage. Hipman quand je donne des cours de kickage. Boule de pétanque dans ton double vitrage. Faites les soigner, les gars s'en prennent à s'en péter le poignet. Je débarque en bande, alors appelez l'armée. Soyez loufoque, alors appelez-moi Ray. Je suis vivant, mais je suis cané. Matin, midi, soir, nouille instantané. Apprenti sorcier, je viens passer le balai. Je viens à tes funérailles avec des lunettes 3D. T-T-T-T-T-Z-K-U-A-T. Désolé, j'ai du monde dormir sur le clavier. Comment veux-tu que je me rappelle qu'on s'est parlé? Je me rappelle à peine où je me suis garé. Je mets les pieds dans le plat. Ah, tap tap tap tap tap palanca. Défends-toi, on plaisante pas. Vraiment, ah, mais non, ça dépend si tu crois. Je plaisante pas. Vraiment, ah, mais non, ça dépend si tu crois. Je plaisante pas. Vraiment, mais arrête ah, maintenant. Pas n'importe quel tour. Pas n'importe quel tour. Pas n'importe quel tour. Pas n'importe quel tour. Pas n'importe quel tour. Sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors